Le prophète Malachie. Malachie est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais il n'est pas le dernier prophète de cette époque que l'Écriture désigne sous le nom d'Ancienne Alliance. 4 siècles après Malachie, Dieu a suscité celui que le Nouveau Testament appelle le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste. Or, si Jean-Baptiste a eu la mission de préparer le chemin du Messie, Malachie a été inspiré à prédire la venue de Jean-Baptiste, ce qui confère à son livre une importance toute particulière. Malachie a vécu à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, soit quelques décennies après le retour de l'exil. Les sacrificateurs qui avaient reconstruit le temple, sous l'impulsion des prophètes Agé et Zacharie, avaient servi Dieu dans un grand élan de foi et de consécration. Mais, après la mort d'Esdras et de Néhémie, d'autres avaient pris leur place et leurs successeurs n'étaient plus que des fonctionnaires ecclésiastiques. Aussi, Malachie montre-t-il qu'ils ont abusé de la patience de leur Dieu. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, « En quoi nous as-tu aimé ? Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. Leur mépris de Dieu, et plus encore, leur inconscience de cet état de choses, était grave. Dieu s'en est indigné. Vous offrez sur mon autel des animaux impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Malachie 1, 7 à 8. Les conducteurs spirituels profanaient le nom de Dieu en plein temple. De plus, leur enseignement n'était pas fidèle. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Malachie 2, 7 à 8. Parallèlement, la vie morale des sacrificateurs était aussi répréhensible. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Malachie 2, 15 à 16. Dieu avait parlé, Israël avait méprisé ses avertissements, il ne restait plus d'autre alternative que le jugement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Malachie 2, 2. En prononçant ces paroles, Malachie ne savait pas que la malédiction prédite revêtirait la forme d'un silence de la part de Dieu. Le ciel allait se fermer et Dieu allait se taire pendant 4 siècles. Quel sentiment éprouvez-vous quand votre interlocuteur garde le silence parce qu'il n'est pas de votre avis? Je me souviens de ce que j'éprouvais dans ma conscience d'enfant quand, après un acte de désobéissance, mes parents s'enveloppaient de silence. Dieu a agi de même envers son peuple. Auparavant, chaque génération avait eu ses prophètes. Dieu avait tout dit à son peuple. Mais il n'avait pas écouté, alors Dieu s'est tu. Dieu aurait pu rejeter Israël définitivement. Cependant, après ses 400 ans de silence, il allait redonner à son peuple une occasion de se repentir. Et cette occasion allait être la plus belle, la plus merveilleuse des opportunités, car le Messie lui-même allait venir et le Messie allait faire des choses merveilleuses. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, le Messie devait venir surtout pour régner et rétablir Israël. Aucun d'entre eux n'a saisi que ce Messie viendrait une première fois comme sauveur humble et méprisé, et qu'il reviendrait une seconde fois comme juge, roi des rois et prince de paix. De plus, aucun d'entre eux n'a compris que ces deux venues de Jésus-Christ sur la terre seraient séparées par un long intervalle où Dieu proposerait sa grâce à tous les hommes et susciterait l'Église universelle des croyants sauvée par le sang de Christ. Aussi n'est-ce pas étonnant que dans la partie messianique de sa prophétie, Malachie prédise surtout des faits relatifs à la deuxième venue de Jésus-Christ. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Malachie 3, 2 à 3. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie 3, 12. Ceux qui craignent l'Éternel seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Malachie 3, 16 à 17. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Malachie 4, 1. Lorsque le Messie reviendra sur terre, il apparaîtra aux uns comme libérateur, aux autres comme juge. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 18. Oui, pour les uns, cette seconde venue de Christ correspondra au jugement et à la condamnation, alors que pour les autres, elle apportera consolation, délivrance et joie. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Malachie 4, 2.